بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qu'on envoie en rafale. فالعاصفات عصفا. Et qui souffle en tempête. والناشرات نشرا. Et qui disperse largement dans toutes les directions. فالفارقات فرقا. Par ceux qui séparent nettement le bien et le mal. فالملقيات ذكرا. Et lance un rappel. عذرا أو نذرا. En guise d'excuse ou d'avertissement. إنما توعدون لواقع. Ce qui vous est promis est inéluctable. فإذا النجوم طمست. Quand donc les étoiles seront effacées. وإذا السماء فرجت. Et que le ciel sera fendu. وإذا الجبال نسفت. Et que les montagnes seront pulvérisées. وإذا الرسل أقتت. Et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. لأي يوم أجلت. À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé ? ليوم الفصل. Au jour de la décision, le jugement. وما أدراك ما يوم الفصل. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision ? ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. ألم نهلك الأولين. N'avons-nous pas fait périr les premières générations. ثم نتبعهم الآخرين. Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers. كذلك نفعل بالمجرمين. C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. ألم نخلقكم من ماء مهين. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vile. فجعلناه في قرار مكين. Que nous avons placé dans un reposoir sûr. إلى قدر معلوم. Pour une durée connue. فقدرنا فنعم القادرون. Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. ألم نجعل الأرض كفاتا. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous. أحياء وأمواتا. Les vivants ainsi que les morts. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes. Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Allez vers une ombre fumée de l'enfer à trois branches. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme. إنها ترمي بشرر كالقصر. Car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux. كأنه جمالة صفر. Et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. هذا يوم لا ينطقون. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Et point ne leur sera donné permission de s'excuser. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. C'est le jour de la décision, jugement, où nous vous réunirons ainsi que les anciens. فإن كان لكم كيد فكيدون. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. إن المتقين في ظلال وعيون. Les pieux seront parmi des ombrages et des sources. وفواكه مما يشتهون. De même que des fruits selon leurs désirs. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. إنا كذلك نجزي المحسنين. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. Mangez et jouissez un peu ici-bas. Vous êtes certes des criminels. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. فبأي حديث بعده يؤمنون. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc ?